Cinquième chapitre. Un écrin sous terre. Nos deux voyageurs arrivèrent au sommet d'une colline au pied de laquelle s'étendait une vallée merveilleuse. « Ce n'est pas sans raison, maître, que je vous ai conduit ici. Ce pays, si riche à la surface, est bien autrement riche encore dans la profondeur du sol. » Ici se trouvent réunies les plus belles carrières de marbre. Nous n'aurions que faire d'aller en Grèce ou en Italie pour en rencontrer de semblables. Au nord, nous trouverons les marbres blancs, dans lesquels nul jusqu'ici n'a pu découvrir une tache. La surface en est transparente, le grain en est serré. Au midi gisent les marbres roses. Ils se taillent sans faire d'éclat et, dociles sous l'outil, ils résistent mieux que le bronze à ceux qui tentent de les mutiler. À l'ouest, les marbres noirs, à l'est, les jades laiteux et les jades émeraudes. Dans les profondeurs sont dispersés les onyx, les lapis, les malachites, les cristaux, les agates et les porphyres. Ce coin du monde est plus un écrin qu'une vallée. « Tu railles bien certainement, » dit Hansel. « Un tel centre de richesse serait connu du monde entier. »« Croyez-vous donc avoir découvert toutes les merveilles enfouies sous le sol ? Vous verrez dans quelques instants que j'ai dit comme toujours la chose vraie et nulle autre. » Les deux voyageurs descendirent la colline. À mesure qu'ils approchaient de la vallée, Hansel commençait à percevoir des rumeurs lointaines. Sous ses pieds, le sol avait des frissons. Après une demi-heure de marche, il aperçut une grotte dont l'entrée était en partie cachée par des lianes. Sur le seuil se tenait un jeune homme d'une beauté extraordinaire. Ses cheveux blonds se tordaient en boucles épaisses sur ses épaules. Une longue robe blanche tombait sur ses pieds nus. Il était si parfait qu'on lui devinait des ailes. Il s'inclina devant l'enfant et attendit. « Raphaël, celui qui m'accompagne, est un maître sculpteur qui m'aime et que j'aime. Il lui faut un bloc de 200 coudées, du plus blanc, du plus pur de tes marbres. Je veux lui faire voir les trésors qui te sont confiés. Conduis-nous. » Celui que l'enfant avait appelé Raphaël écarta le rideau de feuillage. Les deux voyageurs entrèrent dans le souterrain.